La Vita, oh, ouais. Ouais? C'est ça. Ça sort mercredi? Mercredi, là. Ouais? Tu l'achètes mercredi? Ouais, je sais pas, ouais. Ah ouais? Ouais. Faut se poser, mais. Faut se l'amener? Ouais. Ouais. OK. On en parlera en première heure, mais là, on n'écoute pas la première heure. Bon, donc, on a aussi Luminous Electronic Symphony, un jeu de genre à la Tetris, un puzzle. Il y a Mod Nation Racers Road Trip, hein, le jeu de course. Wipeout 2048, il y en a un paquet d'autres. Wipeout. Pas Wipeout, le jeu basé sur une émission de télé. Non, c'est un jeu de course à très, très, très, très haute vitesse. Ouais, un jeu de FIFA, un jeu de Formule 1, un paquet d'autres choses. Donc, la liste complète sur assemblagerequis.com. Voilà, il y en sort pas mal quand même en même temps. Ah oui, ben j'en compte. J'essaie de compter comme ça vite. Une vingtaine? Une vingtaine, je dirais. Ouais. À peu près. Ah. Entre la quinzaine et la vingtaine, j'ai bien l'impression. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup. Quelques jeux qui m'intéressent moins, comme Michael Jackson, The Experience, puis un jeu de golf. Puis, ouais. C'est quoi Michael Jackson? C'est de la danse? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est de la danse. Ouais. Je me rappelle bien. En tout cas. Mais en même temps, un jeu de danse sur une console portable, je sais pas. Ouais, moyen. Pas sûr. Moyen. Ça m'agane quand tu piles dessus. Bon. Voilà pour la chronique Cénix de ce lundi. Après la pause, les chroniques de mardi et mercredi à Cénix.z. Vous êtes toujours à CNX.z, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. On continue avec la chronique de mercredi. Mercredi. On commence notre chronique Geek CNX, évidemment, où on va parler des nouvelles de lundi à mardi, parce qu'on n'a pas eu de chronique hier mardi. Mm-hmm. On va commencer avec un petit peu sur la loi C30. OK. Sujet de. Je suis pas hyper au courant de la loi C30, mais de ce que j'en ai entendu parler, comme vous, c'est la loi qu'on appelle sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs, ce qui est un petit peu croche comme façon de nommer la chose, mais qui laisserait la police fouiller dans vos affaires. Sans vraiment avoir à demander permission. Ouais, c'est ça, comme bon leur semble. Comme bon leur semble, c'est bien dit ça. Donc, le ministre Vic Tease, j'ai entendu Tease, apparemment que ça se prononce différemment par différentes personnes, mais Vic Tease, le T-O-E-W-S, n'en a pas fini avec les remontrances des internautes. Le groupe Anonymous a publié une vidéo dans laquelle il menace de révéler de nombreux secrets sur la vie de Vic Tease. Dans la vidéo, le groupe demande au ministre de rayer entièrement le projet de loi C30, sans quoi Anonymous révélerait tout ce que ses membres savent sur lui. Ah, oh, ouais. Le groupe promet que les informations sur Vic Tease seront lancées sur la place publique pour le montrer comme hypocrite qu'il est. Quand même, je cite, « Un homme aussi trompeur que vous doit avoir plusieurs squelettes dans son placard. Quelques-uns ont déjà été révélés, mais nous sommes convaincus qu'il ne s'agit que du bout de l'iceberg. » C'est ce qu'indique la vidéo. Ça semble que ça doit faire peur, tu sais. Un peu, hein? Hé, quand c'est contre toi, là? C'est... Je sais pas. La Gendarmerie royale du Canada enquêterait sur différentes menaces que le ministre aurait reçues suite à ses allégations que ceux qui ne défendaient pas la loi C30 prenaient le parti des pédophiles sur le web. Hein. Ça, c'est l'affaire qui fait qu'il y a des gens qui changent d'avis par rapport à cette loi-là. Ah, ben, Colin, je suis pas pour les pédophiles, fait que c'est sûr que cette loi-là, il doit falloir absolument la passer, non? Non, ils veulent que tu penses ça. Ouais. Donc, Kevin O'Donnell, un citoyen d'Ottawa qui a déjà été candidat pour le Parti vert de l'Ontario, a mis sur pied un site web qui est à l'adresse suivante, tasday.ca, T-O-E-W-S-D-A-Y.ca. Sûrement peut-être que lui, il prononce Tuesday, quelque chose de genre, ou Tuesday, peut-être. C'est pas. Parce que le jeu de mots marche moins avec Tasday, mais bon. Donc, qui permet à n'importe qui d'envoyer une lettre directement au ministre Tease et à différents membres des partis de l'opposition. La lettre demande au ministre Tease d'utiliser un nom plus approprié que la loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs pour le projet C30. On y retrouve aussi une recommandation pour que les mandats demeurent obligatoires lors de saisie d'informations personnelles et que l'on revoie le projet pour éviter que les fournisseurs d'accès à Internet aient à garder de grandes quantités d'informations sur leurs clients, créant une mine d'or pour des pirates mal intentionnés et provoquant des coûts structuraux qui seront irrémédiablement refilés aux consommateurs canadiens. Voilà. On dit qu'en date d'hier, il y avait eu 450 lettres environ envoyées par le site. C'était en date de mardi après-midi. OK. Maintenant, parlons encore de choses illégales ou de choses croches. On va en parler pendant quelques nouvelles de suite. Là. The Pirate Bay qui pourrait être bloqué en Grande-Bretagne. On a parlé de ça récemment à l'émission. La Haute Cour de justice anglaise a donné raison à l'industrie de la musique et a déclaré que The Pirate Bay, le site de partage de torrent, donc de fichiers qui peuvent être légaux mais qui parfois sont illégaux, c'était donc illégal, ça. Les grandes compagnies de disques comme EMI, Mercury, Polydor, Rough Trade, Sony, Virgin Warner, etc. ont obtenu en octobre dernier que British Telecom bloque l'accès au site Newsbin 2. Elles pourront maintenant demander aux six principaux fournisseurs de services Internet du pays de bloquer l'accès à The Pirate Bay, ce qui représente environ 94% des internautes anglais. Même si TPB utilise maintenant les magnets des liens aimants à la place de tracker, là, c'est des termes super techniques que je n'expliquerai pas en long et en large, mais c'est moins facile à trouver. Bref, c'est moins facile de se faire pogner pour ça. Donc, le juge Justice Arnold considère que le site n'est pas qu'un moteur de recherche, contrairement aux allégations du site. Il dit, je cite, « Selon mon jugement, les opérateurs de Pirate Bay autorisent les actions illégales de copie et de communication envers le public de ses utilisateurs. Ils vont beaucoup plus loin que les rendre possibles ou leur offrir l'assistance. » Il dit, selon la déclaration du site Internet, la raison de la récente adoption des liens magnets comme l'option par défaut est le fait qu'ils ont beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus difficiles à bloquer que les fichiers torrent. Aucun représentant de Pirate Bay n'était présent en cours pour se défendre. Ça, quand même, hein? C'est bizarre, ça. T'es pas là pour se défendre. Eh bien, ils semblent prendre le jugement avec légèreté et leur ironie habituelle. Je cite The Pirate Bay dans ce cas-ci. « Selon mon jugement, la Cour de censure d'Angleterre autorise les actes de corruption de ses juges et leur permet d'être techno-nuls. Ils vont beaucoup plus loin que les rendre possibles ou leur offrir l'assistance. » Un peu la même chose que ce que la Cour disait contre The Pirate Bay. Pirate Bay qui déclare être un des plus gros sites de téléchargement au monde avec plus de 4 millions de trackers et selon ComScore, près de 3,7 millions de Britanniques sont utilisateurs du site. Et pas encore une fois, nécessairement, c'est pas nécessairement des choses illégales. Tu peux avoir des distributions de systèmes d'exploitation comme Linux offertes gratuitement à source libre là-dessus. Tu peux avoir des distributions de livres électroniques qui sont juste pour l'information du public qui ne demandent pas d'argent. Il y a plein de choses légales qui sont possibles avec ça, donc c'est dommage qu'on ferme un site avec des possibilités illégales. Parce que tout a des possibilités illégales dans la vie. On parle du fondateur de Mega Upload maintenant qui est libéré sous caution. Le fondateur du site inculpé pour escroquerie et violation des droits d'auteur et dont les États-Unis demandent l'extradition a été libéré sous caution mercredi par la justice néo-zélandaise. Là, on parle de mercredi passé. Kim, quand même, la nouvelle a été publiée tard, le tard, je trouve, là. Donc, Kim.com, Kim Schmitz, un Allemand de 38 ans, avait été interpellé le 20 janvier dans sa somptueuse propriété de Auckland avec trois autres responsables de Mega Upload. Le juge Nevin Dawson a cassé deux précédentes décisions de justice maintenant derrière les barreaux. Le millionnaire sous prétexte qu'il risquait de fuir le pays. Bref. Selon le juge, ce risque de fuite est atténué par le fait que tous les avoirs de .com ont été saisis et que les enquêteurs n'ont pas découvert de nouveaux comptes bancaires à son nom depuis son arrestation. Installé à Hong Kong, le site Mega Upload qui affirmait rassembler chaque jour 50 millions d'utilisateurs et représenter 4% du web. 4% du web? Quand même, c'est quelque chose. Ça a été fermé le 19 janvier par la justice américaine qui accuse ses responsables d'avoir causé un préjudice de 500 millions de dollars aux détenteurs de droits. Oui, oui, c'est sûr, hein, parce que tout le monde aurait été chercher ces vrais fichiers-là légalement avec des vrais albums, des vrais disques. Mais bon, ça c'est... pas que je suggère aux gens de faire des choses illégales, c'est vraiment pas le but de la chose, mais c'est un petit peu ridicule comme phrase. Et l'article de cyberpresse.ca est aussi un petit peu ridicule, je trouve. Un collectif d'auteurs, maintenant, parlant de choses, je sais pas si je dois dire ridicule, parce que en même temps, vous ferez votre propre opinion là-dessus. Je suis même pas sûr de ce que j'en pense. Lisons. Des auteurs de livres contestent une proposition de loi visant à numériser les livres du 20e siècle qui ne sont plus édités. Dans une tribune, ils estiment que ces ouvrages ne sont pas tombés dans le domaine public et que leur numérisation ne respecte pas suffisamment leurs droits. Donc, c'est un collectif d'auteurs qui ne souhaite pas que leurs livres soient scannés. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Ils sont plus disponibles non plus. Non, ils sont plus édités. Donc, à un moment donné, c'est la propagation d'informations, encore une fois, c'est quelque chose d'important. La semaine dernière, le Sénat a voté en faveur d'un texte qui propose de procéder à la numérisation de l'ensemble des livres du 20e siècle qui ne sont plus exploités par les éditeurs. L'Assemblée nationale doit encore se positionner sur cette proposition de loi afin qu'elle soit définitivement adoptée. Toutefois, le sujet soulève certaines critiques soulignées par un collectif d'auteurs regroupant plusieurs écrivains, traducteurs, dessinateurs, illustrateurs. Ce groupe d'auteurs baptisé Le droit du CERF, S-E-R-F. Je m'excuse de mon ignorance. C'est dans une tribune que le texte soumis au vote dévoile le droit d'auteur défini par le Code de la propriété intellectuelle sans offrir la moindre garantie à tous les lecteurs de pouvoir accéder aux ouvrages dans des conditions raisonnables. Le collectif précise que le texte viole le droit d'auteur puisqu'il ne respecte pas la règle selon laquelle lorsqu'un ouvrage n'est plus exploité, il tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Ouais, OK. Peut-être. Dans ce cas-ci, peut-être qu'il faudrait essayer. Mais s'ils sont plus édités. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'sais... Ouais. Toujours est-il que la Bibliothèque nationale de France devrait aini disposer d'une base contenant jusqu'à 700 000 livres si la proposition de loi est effectivement adoptée par l'Assemblée nationale. Si la Chambre vote en faveur de ce texte, elle suivra la tendance initiée par l'Union européenne et certains éditeurs. Le reste de l'article est sur assemblagerequis.com. Parlons d'iPhone maintenant. Apple a trouvé un accord pour mettre fin à des poursuites visant donc Apple aux États-Unis à propos des problèmes de réception de son téléphone iPhone 4 qui avait plombé son lancement en 2010. On se rappelle du célèbre Antenna Gate où tu tenais ton téléphone de mauvaise façon et tu perdais ton appel. Et là, Steve Jobs disait, ben, c'est à toi de le tenir autrement. Merveilleux, merveilleuse perle ici de sagesse. La femme américaine a promis aux consommateurs qui les poursuivaient dans le cadre d'une plainte en nom collectif de leur offrir $15 ou un étui de protection bumper pour leur appareil. En 2010, déjà, Apple avait offert aux acheteurs de l'iPhone 4 un étui pour régler ses problèmes de réception. Cet étui fonctionne comme un isolant sur la bordure métallique de l'appareil où est logée l'antenne. Et c'était censé mettre fin aux problèmes de réception rencontrés par les utilisateurs quand ils tiennent l'appareil d'une certaine façon. Mais selon Ira Rothkin, qui représente les intérêts des consommateurs concernés par cette plainte et cet accord, on dit que ça pourrait concerner plus de 21 millions d'acheteurs de l'appareil et ils pensent que cet accord est juste, adéquat et raisonnable. Donc ce nouvel accord concerne un petit nombre de clients qui assurent avoir des problèmes d'antenne ou de réception avec leur iPhone 4 et qui n'avaient pas souhaité profiter de l'offre d'un étui gratuit. Pour ceux qui n'avaient pas accepté ça. Si tu as accepté, tu ne pouvais donc pas y aller pour l'autre façon de faire juridiquement. Oui. Mais bon, que voulez-vous? Maintenant, toujours sur iPhone, l'impensable vient d'arriver selon jeuxvideo.com. Les Pokémon, la sacro-sainte manne financière de Nintendo, sont désormais de sortie sur iOS, donc iOS, c'est le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. Et l'application Pokémon Jaune est en effet apparue sur l'App Store en début de fin de semaine, mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un portage du jeu que vous avez connu sur Game Boy, mais bien d'une étonnante contrefaçon. Hein? Étonnante parce qu'on se demande comment ça a pu passer à travers le contrôle de qualité de chez Apple, ça, non? Ouais. Eux qui sont d'habitude très, très serrés sur les règles et... Strict. Beau mot. Donc, comment ils ont pu donner leur accord à cette application vendue par Home of Anime et non par Nintendo et qui, en plus, est visiblement plante dès son démarrage. On se questionne aussi sur les images qui accompagnent le jeu sur l'App Store. Ces dernières proviennent d'un Pokémon sur Game Boy Advance et non sur Game Boy. Donc, tout ça... C'est quelque chose, c'est drôle que ce soit. Des applications de pets sont refusées ou quelque chose du genre une fois de temps en temps parce qu'ils sont pas assez de qualité. Mais ça, une application qui plante dès le démarrage. Hein. C'est bien. François, est-ce que tu fais du vague booking? Du vague booking. Tu pourrais passer des livres extrêmement rapidement. Ah, non, mais ça pourrait être une bonne, un bon nom pour ça. Non, le vague booking, c'est d'écrire le statut Facebook le plus vague possible pour susciter des commentaires qui... et ça irrite de plus en plus les gens. Ah, non, je fais pas ça. Selon un article sur canway.ca, plusieurs blogs, groupes et pages Facebook dénoncent en tout cas cette pratique. Le vague booking est habituellement intentionnel, l'idée d'attirer l'attention et d'inciter les gens à ajouter des commentaires en demandant plus de détails. Il existe plusieurs formes de vague booking, mais la forme la plus populaire est de poser une question du type « Pourquoi moi? Pourquoi moi? Adrien! » écrire seulement 3 points d'interrogation est aussi une autre forme possible de vague booking. Les utilisateurs qui se plaignent de cette pratique en vogue, et non pas en vague... Supprime-les. Ben, il y a ça. C'est... Ou cache-les. Moi, mon passe-temps favori sur Facebook, c'est de cacher des gens. Ah tu sais, quand tu tapes trop d'affaires et que tu te fais de la pub pour des niaiseries et des sujets qui m'intéressent pas, il y en a next. Pas. Ouais, hide this person forever. Là. Tu peux cliquer sur une petite icône, cacher cette personne, genre, comme ça, tu restes ami avec. Il n'y a pas de mauvaise zone entre les deux. Ah, crime, tu m'as effacé, c'est plate. Non. Je te vois juste plus. Dans mes amis. Ouais. Je te vois plus. Bon. Donc, les gens qui se plaignent de cette pratique-là disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire ça sur les réseaux sociaux, évidemment. D'autres ne veulent pas perdre leur temps à jouer aux devinettes pour savoir ce que leurs amis ont dans la tête. Il y a aussi ceux qui pensent que les adeptes du vague booking ne se soucient pas des commentaires suscités pourvu qu'ils aient réussi à attirer l'attention. Mais ça, hein, des attention whore, ouais, c'est comme ça. On ne le traduira pas en français. Ça ne voudrait pas être vulgaire. Non. New York pourrait installer des tablettes dans les taxis. Okay. Oui, les petites télévisions installées à l'arrière des taxis new-yorkais pour les passagers pourraient être remplacées par des tablettes, rapporte la presse new-yorkaise. Selon le New York Times, une entreprise de San Francisco, Square, a proposé un programme pilote expérimental visant à installer des tablettes dans 50 taxis. Le voyageur pourrait y rechercher des informations, faire des jeux et utiliser sa carte de crédit à n'importe quel moment. Hein? Rien de plus safe que ça. Une carte de crédit, c'est pas interceptable, ça. Ben non. Surtout pas avec les cartes de crédit qui vont s'en venir avec le champ, comment on appelle ça, le near field, c'est ça l'affaire. Tu peux juste approcher, puis ça paye. Donc, tu sors ta carte de crédit de ton portefeuille. Oh, dans son siège, t'as même pas besoin de la sortir. Même pas, ça va te gratter les fesses. Whing! Ton info est prise. Passe ça devant, ouais, c'est ça. That's it. Vic Taze. Don't taze me, bro. Donc, depuis 2007, les taxis new-yorkais sont équipés de petites télévisions à l'arrière, incrustées dans la paroi séparant l'avant de l'arrière du véhicule. Elles diffusent en boucle des brèves d'actualité locale. Un peu comme dans les autobus, hein. La météo ne marche jamais. Le fil de nouvelles est tout le temps corrompu. Les nouvelles sont pas à jour. On a des fautes de frappe. Ça va sûrement être la même chose. Dans les... Les autobus à Trois-Rivières, sérieusement. Oh. Le système... Il y a des TV? Ouais, ben, certaines autobus, oh, certains, ouais. Certains autobus. Je sais même pas. Masculins. En tout cas, ben, tu fais bien de pas savoir ça. Ça vaut pas la peine. Square qui doit formellement présenter son programme pilote à la commission des taxis et limousines. Oui, il y a une commission des taxis et limousines le 1er mars. Le détail des applications qui pourraient être disponibles n'est pas finalisé selon le New York Post qui précise que le programme pilote prévoit de remplacer les télés par des iPads. Maintenant, parlons de jeux vidéo. C'est la sortie de la PlayStation Vita aujourd'hui même. François, c'est la grosse journée, là. C'est là que ça se passe, ouais. PlayStation Vita, donc parlons-en. PS Vita qui a des caractéristiques assez impressionnantes. Processeur 4K qui peut offrir des graphiques presque... Tabarouette, quand même. Oui, exactement. L'article dit presque identique à la PlayStation 3. Selon les critiques que j'ai vues, c'est proche de, c'est pas identique c'est à... Pas... Je pense pas. Mais tu sais, c'est une coche. Là. Une coche en haut pas mal toutes les consoles portables qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire toutes les consoles. Donc, la PS Vita est la deuxième entrée de Sony sur le marché des consoles portatives après la PSP, sortie il y a 7 ans et qui a eu un succès relativement bon. Malgré les différentes mises à jour, là, PSP 1000, 2000, 3000, il n'y a pas grande différence entre les trois. Et la PSP Go, on s'entend que c'était pas un succès parce qu'il n'y avait pas de disque possible, donc il fallait télécharger les jeux sur Internet. C'est quoi ça, PSP 1000, 2000, 3000? 1000, 2000, 3000, c'est comme la PSP large, là, plus grosse, là, mais il avait changé quelques affaires dedans, là, peut-être. Okay. Genre, 1000, l'écran c'était de était meilleur. 1000, c'était le premier modèle, 2000, le deuxième, 3000, le troisième. Alors que PSP Go, comme je te disais, c'était en ligne seulement pour télécharger des jeux. Donc, la compagnie récidive avec un appareil amélioré. Par contre, le marché a beaucoup changé depuis avec l'arrivée des téléphones intelligents et des jeux à 1$ comme Angry Birds, nous dit branchez-vous.com. Moi, la chose que je déteste chez les critiques, ils disent... moi, j'ai lu plusieurs critiques. J'ai lu celle de CNET France, qui était très, très positive sur l'appareil, mais négative en disant « Personne n'a besoin de ça parce que tout le monde a un iPod Touch. » Excuse-moi, sorry, dude. Mais jouer sur un iPod Touch, moi, non merci. Non. Pas capable de cacher mon écran avec des doigts, moi. Non. Pas capable du tout. Je trouve que c'est trop petit. Ça cache tout. Non, moi non plus, je joue pas. C'est dur à contrôler parce que t'as pas de vrai bouton. Gauche, droite, AB, mettons, pour jouer à un jeu de plateforme, ça se fait pas. Non, moi, tu m'oublies tout de suite là-dessus. C'est pas l'idéal. Vraiment pas. Donc, la PS Vita a des caractéristiques assez impressionnantes. Là, je vais vous laisser aller lire les détails techniques sur assemblagerequis.com parce qu'on n'a pas tout le temps du monde. Mais par contre, parlons de l'écran donc de 5 pouces. OLED. OLED, la technologie super récente que dans 5 pouces? OLED? 5 pouces. OLED. Pas LED, là, LED. OLED. OLED. C'est encore plus récent, technologie encore plus vibrante. C'est quoi la différence? Ben, c'est la luminosité et un paquet d'affaires. C'est pas la même technologie exactement. Je suis pas un expert là-dedans, je l'avoue. Mais les télés, en ce moment, OLED, OLED, se vendent très, très, très, très, très cher. Cette PS Vita-là se vend aussi quand même relativement cher pour l'instant, mais ça vous donne quelque chose de qualité côté écran. Là. Et juste regarder une 3DS à côté d'une PS Vita, on voit tout de suite la différence qui est très, très, très marquée. Écran le 3DS, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est t'achètes ça. T'achètes pas ça pour les graphiques. T'achètes ça pour le 3D, c'est sûr que les graphiques sont meilleurs qu'ils étaient avant. Oui, non, c'est sûr, mais c'est pas comparable, je pense. C'est pas autant pour les gamers, mais encore là, la 3DS, je l'adore, j'en ai une et je parle vraiment pas contre, là, mais c'est ça, tu joues à la 3DS, dans mon cas, parce que les jeux de Mario et Donkey Kong sont là-dessus et ils sont pas sur Sony. Ah ouais. Sinon, la console que je choisirais, ce serait Sony parce que le 3D, don't really care. Hein? Ouais. C'est un peu ça pour bien des gens. Le 3DS, c'est pour les familles Nintendo, t'sais? Les gens qui aiment Nintendo. Donc, contrôle, on parle de deux joysticks. Là. L'article sur CNET te parlait des deux joysticks comme étant quelque chose de pas nécessaire puis que dans ta poche, ça va pas arrêter de frotter. Gna, gna, gna. Non, c'est nécessaire pour les vrais gamers. Les gens qui veulent une console portable, qui veulent jouer à des jeux de gamer, comme du Call of Duty, des trucs comme ça, t'as pas le choix d'avoir deux joysticks. Pour pouvoir te tourner en même temps que tu tires puis contrôler deux affaires en même temps, t'as pas le choix. Là. T'as juste pas le choix. Ouais. Deux caméras de pas très bonne qualité, mais c'est nécessaire pour jouer à de la réalité alternative, là, Alternate Reality Gaming, où il apparaît des choses dans ton paysage. La durée de la pile, tout ça est détaillé sur l'article sur assemblagerequis.com. Les jeux, il y en a quand même beaucoup pour une console qui vient d'être lancée. Là, un paquet de jeux vraiment excellents, dont Rayman Origins, Luminous Electronic Symphony, des jeux de course, des jeux de golf. Ils ont couvert toute leur base côté style de jeu. Là. Tu te retrouves pas mal dans au moins un de ces jeux-là pour commencer. Et si tu te retrouves pas, ben, t'as Little Deviance, qui est comme le jeu, un jeu complet, mais qui a l'air comme de démo, qui montre chacune des fonctions de la PS Vita. Donc, l'écran touch en arrière où tu peux faire... T'as un écran en arrière de... Ben, un pavé tactile à l'arrière qui peut faire grimper des montagnes dans le jeu. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez assez sympathique. Toi, tu l'achètes aujourd'hui? Ouais. Par exemple. Ma carte de crédit aime bien ça. Ouais. Donc voilà. Demain, on peut s'attendre à l'avoir ici en studio. En studio, oui. Une critique, pas sûr d'avoir eu le temps de jouer ce soir. Non. J'ai hâte, par contre. Très, très hâte. Je ne pense qu'à ça. On commence vraiment à manquer de temps. La chronique commence à être longue, mais je vous laisse sur assemblagerequis.com un article sur un simili Kinect sur PlayStation 4. Donc, apparemment, que la prochaine PlayStation aurait un genre de système Kinect visuel avec les mouvements. Inclus. Je suis pas sûr que ça va être inclus. Parce que le dernier Xbox, la dernière édition, là, le nouveau package D, c'est inclus. Là. Tu veux dire l'appareil est inclus dedans? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Tu peux pas l'acheter à part. Non, c'est fini. Et en fait, c'était vraiment pas cher. Là. Okay, quand tu compares que, exemple, t'as acheté la console et après ça, t'as acheté la Kinect. Ça, c'est cher. Dans ce temps-là, c'est cher, ouais, c'est ça. C'est quoi, 140$, je pense, Kinect tout seul ou 130$? Ouais, c'est ça. Puis je pense le package D pour le Xbox Arcade. Ouais. Arcade qui fait la job. Pour la plupart des gens, ouais. C'est 300, 250. Ouais, 300 dans le top. Là. C'est ça, à peu près. Ça a bien du sens, tout ça. Et on dit finalement qu'il n'y aurait pas de PlayStation 4 en 2012. Donc, les gens chez Sony, en fait, le PDG de Sony dit qu'il ne veut pas se casser la tête avec la PS4 pour l'instant. Sûrement que c'est quelqu'un qui a délégué ça, qui fait ça. Il dit on se concentre sur la PS Vita pour l'instant. À la prochaine édition de l'E3, sûrement qu'il va y avoir quelque chose. Puis ensuite, en 2013, peut-être une PlayStation 4. La PS3 qui a vu le jour en 2006, en passant. Voilà pour les nouvelles geeks d'aujourd'hui. C'est quand même beaucoup de choses pour résumer les deux derniers jours. On va se quitter en chiptune pour aller entendre du Straight Bit. L'artiste Straight Bit. Ouais, lui, il habite bien straight. I Ain't Your Buddy, c'est ce qu'on écoute à l'instant dans Cynix sur C'est Fou. 89.1 quand même. Il se passe beaucoup de choses dans celle-là, François. Ouais, mais ça? Pas sûr. Peut-être. On regarde une discothèque. Ouais, au début.